Aujourd'hui, le vendredi 24, oui, à Québec, oui, effectivement, le 24 mars 2017, oui, à Québec, merci Lise. Vendredi 24 mars 2017, à Québec, monte le volume et hume la différence, oui, hume la différence, c'est parti, mais... Amis, c'est Québec. Parti. Québec. À quel endroit c'est Québec. Enregistré ça? Lise. Québec. À Québec. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec. La plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Restons simples. Restons simples dans la différence. Hé, hey, ça commence. C'est quand même intriguant ce que tu viens de dire là. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes. Ben heureusement qu'ils sont. C'est bien d'être. D'avoir été. Mais surtout de rester. Restez là à l'écoute. Surtout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hey, arrête d'être à genoux. On dirait un mendiant de la culture. Un mendiant incertain de ce qu'il va proposer à la population CKRLienne. Oh, c'est bien la population CKRLienne. Nous sommes de plus en plus présents. Sauf que moi, je suis absent. Oui, ah oui, mais écoute, c'est pas tout le monde qui est présent dans le présent. Il y en a qui sont présents dans l'absence, il y en a qui sont présents dans le futur. Et il y a une expression, tu es dans la lune. On n'est pas dans la lune. Je sais pas d'où ça vient, la lune. Pourquoi on est dans la lune? Oui, je ne suis pas dans la lune, moi je suis dans mes pensées. Ce serait beaucoup mieux de lancer ça. Je suis dans mes pensées. Ou, parce que ça arrive qu'on arrête, là, tu sais, on ferme la lumière. Tu dis bonjour à quelqu'un, puis l'autre, ouf, n'est pas là, est absent. C'est important d'être absent aussi souvent. Aussi souvent qu'on peut. Pourquoi être toujours vivace, toujours aussi prêt à répondre? On peut bien être engagé. Quand tu appelles au gouvernement, souvent c'est engagé. Le lundi, c'est engagé. Le mardi, c'est engagé. Le mercredi, c'est engagé. Le jeudi, ça se dégage, mais pas trop longtemps puisqu'ils ont leur paye. Puis le vendredi, ben, ils dégagent. Oh, mais c'est ça. Alors, le meilleur moyen de les rejoindre, c'est pas au téléphone. C'est par les internets. Ou par des lettres traditionnelles, là, comme il en existait à l'époque. Dans les années, ça fait pas longtemps. On s'imagine quand tu racontes ça à tes enfants qui ont 13 ans. J'écrivais des lettres. Ben voyons donc, tu veux dire des courriels? Non, des lettres. Je prenais un papier, je prenais une feuille, je prenais une enveloppe. J'adressais l'enveloppe. Sais-tu comment adresser une enveloppe? Ben non, adresser. Si je la tiens debout, elle va tomber. Elle ne peut pas se dresser. Non, pas dresser, mais adresser. Écrire l'adresse du correspondant. Correspondant, bien, de la personne à qui tu sais, quand tu place un courriel sur Internet, là, tu dis à, je sais pas, à Rénal Gagné, ou tu fais RAYNALDQUEBEC à commercial@admin.com. Hein? Bon, donc ça va arriver chez moi. Dans le cursus cybernétique. Cursus, non. Dans le circuit cybernétique. Tandis que, il n'y a pas long, il y a 15-20 ans, l'enveloppe, c'est écrire l'adresse. Rénald Gagné, en bas, entre parenthèses, errance rénaldienne, fermez la parenthèse, CKRL, 405 3e avenue. C'est long, c'est long! Tu sais, le petit, c'est ça qu'il dit. C'est long, c'est long. Mais oui, c'est long, mais... Tu t'adressais à quelqu'un qui prenait le temps de toucher l'enveloppe, ouvrir l'enveloppe. Là, aujourd'hui, tu cliques. Il n'y a plus d'intérêt. Là. T'es là, avec ton jus d'orange. T'es devant ton... devant ton écran. Écran froid. Écran sans vie. Tu vois Rénal Gagné, tu cliques. Tu lis ton texte, tu lis ce qu'on t'a envoyé. Mais là, dans le temps, tu prenais l'enveloppe. Si la personne l'avait bien cachetée, elle était très scellée. Donc, t'es très scellée, très collée. Collée sur ton corps, tu dis, oh non, quelqu'un m'a écrit. Tu sais, tu pouvais divaguer, t'imaginer plein de choses. Tandis que là, non, tu cliques. Tu sais déjà qui t'adresse le truc, tu le vois là avant même. Tu peux même lire les premières phrases, là, même les 5-6 premiers mots. Si tu veux aller plus loin, ben tu vois, hein? Tu autorises, là. Tu peux attraper des virus. Moi, en ouvrant une lettre, là, je n'ai jamais attrapé de virus. Quoique, c'est vrai. Il y a eu dans le courrier, là, il y a des gens qui envoyaient des cochonneries là, en faisant croire que c'était « Hey, il y a une boîte étrange qui est apparue à la poste qui renfermait une poudre blanche. » Mais là, c'est normal, règle générale, c'est pas ça que t'arrives. Tu sais, t'as une lettre. Puis là, tu humes la lettre. Essaye d'humer ton écran. Là, ça va sentir la lotion que tu as utilisée pour nettoyer la vitre de ton écran. Mais là, c'est l'enveloppe. C'est sans doute une fille. Ah oui. Ça sent bon. Puis tu l'ouvres tranquillement. Tu vois la feuille à l'intérieur. Elle pouvait envoyer. Hein, elle avait le choix du papier. Et si c'était écrit à la main, son style d'écriture, c'était jouissif. T'avais même pas lu, puis t'étais en train de... Tu t'abreuvais uniquement avec l'œil, un peu comme un plat qui t'est présenté. Tu n'y as même pas goûté, tu le regardes, tu dis, ça a l'air. ça a l'air. Ça a l'air mignon, ça a l'air doux, ça a l'air gentil, ça a l'air. Tu le connais pas, là. À première vue, ça a l'air. Puis la première vue est très, très, très, très, très importante. Quand tu allais au cinéma, il y avait deux vues, hein? La petite vue de, on appelait ça série B, puis le film principal. Mais là, c'est pas ça, là. Quand tu ouvres ton enveloppe, c'est une feuille, c'est la feuille principale, c'est celle que tu vas lire, c'est celle qui t'est adressée. Donc, tu redresses les feuilles, puis ça dépend comment c'est plié. Il y avait une façon de plier. Est-ce que les enfants de 12-13 ans savent plier une lettre pour l'envoyer à la poste? J'avais François Desrosiers, qui est un professeur de secondaire 5, qui nous avait appris, parce que pour lui, c'était épouvantable de recevoir un courrier qui était... quand la feuille était pliée tout croche. Il y a une façon, il y a un décorum pour présenter à quelqu'un, au destinataire, ses écrits, ses idées ou n'importe quoi, ça son courrier. Et normalement, quand tu prends la feuille, elle est pliée en trois et ça doit s'ouvrir tout seul. Tu n'as même pas à ouvrir. Uniquement à sortir la feuille, fring! tu peux arriver à voir la totalité, 8 mi par 11, qui t'apparaît, même si c'est plié en trois. Mais ça demande une façon de faire que j'ai appris grâce à Fernand Desrosiers, un professeur qui doit être sans doute décédé. Et s'il est toujours vivant, merci à vous. Je l'ai déjà rencontré dans un centre d'achat lorsque j'étais étudiant, dans sa classe. Il m'a dit « Bonjour, Ronald, que faites-vous ici? » Nous vous voyez. « Bien, je suis venu chercher des ampoules pour ma maman. » D'accord, alors vous allez choisir. « Bien là, j'ai ma liste, OK. » Et j'ai eu une petite discussion comme ça, très, très, très rapide. Mais c'était un homme, vraiment, avec une façon de faire, un décorum. Donc, François Desrosiers, merci, Monsieur François Desrosiers. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un courrier. C'est pas grand-chose. Revenons à ça, aux lettres. Hey, Sad, qui écrivait avec le sang à la fin, on lui avait coupé la langue. Là. Avec le sang, quand il n'y a plus de langue, qu'elle soit française ou langue physique, il reste encore les mots. Hey, heureusement! Parce que les mots peuvent être modifiés autant que les idées dues à un gouvernement, dues à un siècle, à un moment précis de l'histoire. La façon de faire se fait autrement. N'est pas comme dans d'autres époques. Si tu te catapultes, quand tu te catapultes, exemple, au 18e siècle, le français n'était pas le français actuel. On sentait la cravate nouée, très nouée. C'était coincé dans le gargoton. Là. Tu ne pouvais même plus avaler de ça. Il n'y avait plus de salive qui passait. C'était coincé, là. Quoique, pas vraiment. Là. Tu regardes certains films, là. Il était bien décoincé devant le public. Ils étaient, wow! Il y avait une prestance. Mais dans l'intimité, ouf! Tout était décroché. Là. Hey, on décroche la cravate. On décroche la ceinture. On décroche tout. On arrive à l'anarchie. Une anarchie, bien sûr, contrôlée, puisque devant la foule, devant les gens, devant le public, nous étions autres. Il y en a encore qui fonctionnent comme ça. Là. Il y a des doubles faces, même des triples. Il y en a plusieurs visages. Moi, j'ai un collègue de travail qui dit... comment il me dit ça, donc, souvent? Moi, je suis comment? Je sais pas, toi, t'es comment, mais je suis plutôt châtain, hirsute, au niveau de la perruque, moustache hirsute, petite brindille en bas hirsute, tout est hirsute chez moi. J'ai hirsuté chez Mélissa, il y a 3 semaines, pour écouter une chanson que j'avais trouvée dans mon trésor musical, que j'ai voulu lui faire entendre parce que ça parlait d'elle. Ça parlait d'elle, mais de deux façons. C'est-à-dire, c'était une écriture féminine qui avait réfléchi, non, qui avait lancé, qui avait glissé un portrait de son prénom et un homme sur le même thème, le même prénom. Et ça donnait quelque chose de totalement différent, mais qui se raccrochait au même, à la même fille, ben, au même prénom de fille, quoique c'était pas destiné à celle à qui j'ai fait écouter ça, là. Quoique, elle, ouais, sans doute qu'elle avait un petit velours au niveau de son égo. C'est bien d'avoir du velours sur l'égo. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de le frotter, là, tu sais, à rebrousse-poil. Comme ça, tu vas chercher les imperfections. Quoique, il n'y a pas d'imperfection chez elle, là. Il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais. C'est ça quand tu es aveuglé. Quand tu rentres dans une pièce, puis il y a beaucoup de lumière, là, hey, tu ne sais plus où aller, là, tu marches, mais attends, tu ne veux même pas avancer un pied, tu peux te casser la margoulette. Tu as peur. Comme un lapin pris dans un phare. Voilà ce que c'est qu'être star. Oh, ça, hey, ça fait longtemps, ça. Hein? Être toujours de bonne humeur, quel que soit le moment et l'heure, et même si tu as le cafard, tes faiblesses et puis ton succès, ça fait partie de ton succès, ça se nourrit de tout, la gloire, et tu seras comme un animal assis sur ton piédestal, comme un lapin pris dans un phare. Voilà. Voilà ce que c'est qu'être star. Entre le noble et le vulgaire, tu voudras choisir ta frontière entre Passy et les boulevards. Et je ne continue plus. Vous la connaissez? Je la radote. Allez voir sur les internets. Je la chante, je la lis, je la narre. Et je sais peut-être que vous en avez marre. Ça, c'est de l'interprétation. Ben oui. Interprétation chantée et d'interprétation aussi idéologique. Je crois que... Ça, c'est quand même quelque chose. Hein? Je crois que... Souvent, on passe à côté. Je crois que les gens s'imaginent... Ah, mon Dieu, imagine. Vis ta vie, puis... Tu peux pas rien changer. Tu peux te modifier, mais tu peux pas modifier le regard de l'autre. Ici, oui, wow, tu deviens un gourou. Gourou, gougou! Ou tu deviens un dieu. Dieu est amour. Ou tu deviens un... Tu deviens... comment tu les appelles? Attendez un peu, je veux pas le dire. Des orateurs. On devient orateur. On parle et on est suivi par des gens qui ont les mêmes convictions ou qui aiment ce que l'on propose. Toi, tu proposes quoi? Moi, ce serait de la crémeuse. Ah oui, ah oui, ah oui, de la crémeuse, parce qu'au moins, quand tu as fini de manger, là, moi, ayant la barbichette, ben, ça tombe un peu en bas et je peux me nourrir pendant au moins 2-3 minutes après. Là. Je passe un coup de langue. Un petit coup de vin, un coup de langue, un coup de vin, un coup de langue, un coup de vin. Langue, vin, langue, vin, langue, vin, langue, vin, langue, vin, langue, vin, langue, vin, langue, vin. Donc, ça peut être une activité intéressante. À long terme, là, ça fait des tics nerveux. Là. Mais quoi que tu peux dire que t'es perturbé par la vie, il y a le stress de l'existence, puis tu cherches encore, t'as pas trouvé, puis hein? Ça peut fonctionner, ça, là. Heureusement que ça fonctionne. Sinon, ça ferait quoi? Ben non, mais t'es pas obligé de non plus d'avoir toujours une réponse à tout. Tu peux savoir, mais ça m'intéresse. Il y a des choses qui m'intéressent pas, moi, là. Il y en a un qui m'est arrivé, je l'ai mentionné, il y a un moment donné. La Terre est plate. Ben, elle est plate. Change de blonde. On l'a déjà, elle était bonne. Elle était bonne à l'époque. Elle était bonne. Elle est encore bonne aujourd'hui, c'est vrai. Elle est toujours bonne. Et heureusement. Maintenant, place au cinéma. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Et je t'emmène au cinéma. Mon histoire est celle-ci, comme je l'ai proposé la semaine dernière. Une chanson représente une petite diégèse, un court-métrage. Et comme je veux monter mon public, là, le dresser, le préparer à mon invité, parce qu'après, là, c'est 100% invité, là, c'est uniquement sa musique, uniquement son œuvre, uniquement sa voix, avec malheureusement la mienne. Mais là, je me sens un peu métallique. Non, très métallique. Très métallique et aussi rock. Un rock pesant qui rentre dedans. Un rock and roll. Stoogessien. Tu te souviens, la semaine dernière, j'ai parlé de l'iguane. C'est lui-même. Lui-même. Ben voyons, non, on te croit pas, moi. OK, hein, tu me crois pas? Tu crois pas l'iguane? OK, vas-y. Savez-vous pourquoi on l'appelle l'iguane? Ben oui, je sais, je l'ai déjà mentionné, mais il y en a qui n'étaient pas au rendez-vous. J'ai rendez-vous avec vous. C'est qu'il a une jambe plus courte que l'autre. Et lorsqu'il marche sans sa prothèse, il est comme l'iguane. Et là, imaginez-vous, mieux que ça, là, Madame Thibodeau, je le dis souvent, imaginez-vous, parce que j'aime ça. Lorsqu'on se fait une vision d'un propos, c'est quand même important et c'est ce qui nous reste. Amenons les fleurs que l'on veut bien nous rapporter dans la tête. Attendez pas d'en avoir là, dans la vraie vie. Là. Fais, Fabriquez-vous-les. Construisez-vous-les. Voulais-tu en avoir? Je t'en tire un bouquet, ma championne. Mais attention! Gainsbourg, qui est un gars que j'adore. Iggy Pop est un gars que j'adore. La chanson que je vous propose, je l'ai fait jouer souvent et souvent et souvent. Mais je suis pas comme une radio commerciale, moi. C'est pas aux 15 minutes. C'est peut-être aux 2-3 mois. Là, j'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de ma dose. On y va. Amène la dose et puis on va écouter ce qui va bien se passer à l'instant, puisque c'est une des belles chansons de Gainsbourg sur Brigitte Bardot. Une nuit que j'étais amour mon fondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. Parcourant l'amour monstre de Powell's, me vint une vision dans l'eau de cells. Be in his shows, be. Be in his shows, be. Sa taille, le bronze et l'or, le platine lui grave, d'un cercle froid, la marque des esclaves à chaque doigt. Be in his shows, be. Jusqu'aux anneaux de cuisse, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de galère dans les cheveux. Be in his shows, baby. Be in his shows, baby. D'argent de ses poignets, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot, en Maria. Be in his shows, baby. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur de mobile. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. J'ai jamais entendu Iggy Pop parler de la disparition de David Bowie. Le chanteur qui a lancé sur la mer musicale, créative et sur la mer terrienne une empreinte indélébile. J'ai jamais entendu Iggy Pop en parler. Ouais, faut dire que j'ai pas fait de recherche non plus, là, mais ce serait intéressant là, d'en savoir davantage. Si vous connaissez des liens, ben faites-moi le savoir sur mon courriel. Dans mon courriel. Tu ne vas pas encore dire ton. Ben oui, l'adresse. C'est important d'avoir l'adresse. Rénal Québec. Rénald. R-A-Y-N-A-L-D. Québec, comme la ville, sans accent. commercial@hotmail.com. Dites-moi, racontez-moi, je veux en savoir davantage, je suis un curieux, moi. Ouais, on dit que c'est un signe d'intelligence, mais dans ton cas, c'est comme si tu te faisais croire que... peut-être. Là, j'ai un invité à vous proposer. Ça m'intéresse aussi de vous la dévoiler lentement, tranquillement, doucement, puisqu'elle mérite tout ça. C'est une fille extraordinaire, que j'ai pris comme ça à Paris l'année dernière au dépourvu. Ben c'est pas moi, j'étais au dépourvu. Mon invité s'était désisté. Puis j'avais envoyé un SOS parisien. Et puis là, Émilie, la douce Émilie, a communiqué rapidement avec moi pour me dire « Je peux occuper le poste manquant. » T'es très gentil, là, mais je suis dans le 18e. Elle dit, moi aussi. Ah! Oh. Je suis sur la rue des Abeilles. Elle dit, je suis pas très loin, j'étais à quelques minutes. Hein? Quelques minutes, 3-4 minutes. Mais voyons! Ben, écoute, je serai au sens. Je connais ça. Ben, hey! Viens me rejoindre. J'étais dans ma chambre d'hôtel. Pas une chambre d'hôtel, c'est une auberge de jeunesse. Ben oui, mais c'est une chambre, mais multiple. Ben oui. J'allais dire aubergière, mais ça n'existe pas, aubergière. Mais non, mais désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou au chapeau melon. Prends garde à te garder, bergère, un jour tu vas bêler. On m'appelle Émilie Jolie. On m'appelle Émilie Jolie. Et quand je l'ai vue, elle portait très bien son nom. Je vais vous lire un de ses textes. Je vais lui lire ce qu'elle a écrit. Oh, ça fait bien à l'ego. Ça fait comme je parlais tantôt de l'ego. Oh, c'est doux. Ça dépend. C'est doux. Ça peut pas être rude, sauf dans le revers. Ça fait étrange pour les doigts, là, sur les doigts, mais c'est tout à fait intéressant aussi. Donc, elle dit d'elle-même, « Je suis une gitane. » Quoique Gainsbourg en parlait. Hein, le lien, Gainsbourg et Iggy Pop. Dieu est un fumeur de gitane. Je suis une gitane. Une cigarette bien roulée. Et croyez-moi, c'est vrai. Oh. Un rien et je m'enflamme dans une volute volupté. La nicotine à fleur de peau, sorcière usant de tous ses charmes, je vous guillotine le mégot. Je vous guillotine le mégot. Émilie Pie. Émilie Pie, Émilie P-I-E, Pi. Pi. 13,1416. 14, corset. Un esprit sain dans un corset. Quoique, je préfère le corset, moi, parce que c'est beaucoup moins contingenté. Là. Ça laisse une explosion. Quand t'es contorsionné, pouf, comme le canon. Pourquoi ça tire un canon? Parce qu'il y a, comme un... Mais non, c'est pas comme. Il y a un tunnel. La boule est emprisonnée. Elle bouge pas trop. Puis elle est propulsée. Donc, Émilie nous propulse ses mots, son univers, sa beauté. Quoique, à la radio, la beauté... Mais la beauté des mots, mon Raymond! La beauté des mots! La beauté de la sensation lorsque tu l'écoutes. La beauté de sa voix. La beauté n'a pas de prix. La beauté est partout. Même pour ceux qui se trouvent laids, laides, étranges, bizarres, piscornus, il y a une beauté dans tout. Il suffit d'avoir le regard pour apprécier tout ça. Elle est auteure, compositrice, interprète. C'est en voix et en percussion que l'art d'Émilie est né. De ce lieu entre frappe et caresse, elle revisite des rythmes pluriels entre Amérique latine, Afrique, Caraïbes, entre pop, jazz et reggae. Tout est bigarru avec en arrière-plan des paroles multiples, rieuses, envolées. En écriture d'un deuxième opus, Émilie Py explore ce qu'il y a de plus intime en nous, nos émotions, nos sentiments, un voyage vers nous-mêmes, vers nos propres visions. Et c'est là-dedans que l'authenticité, l'essentiel en mouvement, ce chemin vers l'intime, vers le désir, vers la vie, nous donne l'œuvre, la jeune dame, la jeune fille, la demoiselle, qu'est Émilie Py. Je vous la présente. Bonne soirée et laissez-vous charmer. C'est la seule chose qui reste de gratos. Ou presque. Bonne soirée. Gang était là, ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà, c'est une latine, des Manhattan, de la résine, des macadam. Un coup de fouet, des haut en bas, qui te soulève, c'est la salsa. C'est une frangine portoricaine, qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo. Te quiero mucho et de cafard. Une sauce mêla, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée, de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa, c'est une latine, des Manhattan, de la résine, des macadam. Un coup de fouet, c'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Rebaleto. chaude. Je la garde serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchotant quelque chose à son chauffeur, y'en a marre des palaces. Elle s'en va faire des passes pour le panard, je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir. C'est tout l'été de Manhattan, de la régie, de Macadam, un coup de fouet, des hauts en bas, qui te soulève. C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Et racombrée au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Mon message en même temps que j'arrivais? Oui! C'était prévu, c'est une mise en scène. C'est ça! Ça va? Oui, et toi? Excellent, très bien! Ah, c'est mieux ici, c'est vrai. Je sais pas, c'est... t'étais... Ouais. t'étais... Non, non, non, non, mais j'étais nulle part, j'arrivais. Ah, ok. Je sais pas, y a... pour le bruit, ça va? Oui. Non, non, mais c'est voulu. D'accord, très parce bien. Que le son urbain, c'est le son le plus intéressant. Très pour les bien. Gens qui habitent la ville, là, c'est... Ah, mais c'est quand même un rendez-vous à l'arrache. Mais oui, comment, ah, mais j'aime ça. Comment ça s'est passé, ça? Ben, ça s'est passé comment que... tu m'as trouvé à 3h50 du matin? Ben, non, mais je t'avais trouvé avant. Ah bon? Ah, oui, oui, oui, ne t'en fais pas. En fait, c'est des amis chanteurs-chanteuses qui... en fait, que j'ai rencontrés. Ouais. Et qui m'ont parlé de toi un peu à travers ton travail, parce que t'es auteur. C'était compositeur. Qui? C'est Dimitri, j'ai vu oui, sur... Oui, oui, entre autres, oui, oui, oui. Dimitri. Grand musicien de jazz, et puis, oui, c'est un type assez très, très généreux, qui prépare son nouvel opus. Ouais, et ben, ouais, ouais. Et il en bosse, plein... puis là, il est dans la... dans le, comment dire, donc, l'interrogation. Ouais. Mais toi aussi, t'es auteur-compositeur, interprète. Mais nous, on dit auteur-compositrice-interprète. Non, oui, auteur-reux. Oui, auteur, oui. Auteur-reux. Oui. Compositrice-e. Voilà. Interprète-e. Même si Brigitte Fontaine est contre ce genre moi aussi, de. Je mets ça, moi aussi, je dis okay. ça. Ouais. Okay. Je mets ça sur ma carte de visite. Pourquoi? Ben, parce que je suis une femme. Oui. Oui, mais elle est. Non, elle est contre le fait de féminiser. Ah, ben pourquoi? Elle trouve ça con, elle trouve que les Québécois ont cette manie de tout rendre compliqué de la langue, à travers la langue française. Ouais, non, moi je pense que c'est normal. Si on est une femme, de mettre au féminin. C'est absurde, ouais, de, ouais, c'est absurde c'est... d'utiliser le masculin. Ouais, ouais, peut-être aussi c'est le côté provoque du personnage. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? T'es pas parisienne à la base? Je suis pas parisienne et je suis pas chanteuse à la base. Personne je suis percussionniste en fait. Moi, j'ai commencé à... un perrier tranche. Badois rouge. Eh ben, badois rouge. Tranche. Tranche, s'il vous plaît. Idem. Allô. Et donc, c'était quoi la question? Tu n'es pas chanteuse. Ben, je vais répondre à... tu n'es pas chanteuse à la base. J'ai commencé par les percussions. En fait, j'ai commencé par... j'ai fait du cirque, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la poterie, de la photo, de la peinture, tout. J'ai fait tout ce qui était possible. Au niveau créatif. Parce qu'il fallait que je m'exprime. C'était une urgence. Ouais, enfin, ouais, c'était un besoin. Il faut qu'il arrête, lui. Et voilà, et au hasard des rencontres festives, je me suis retrouvée avec une percussion entre les mains et ça s'est bien passé entre nous. Ça a été fluide, ça a été assez intuitif. Et voilà, ça a commencé comme ça, l'histoire. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans cet instrument, dans les percussions? Les percussions déjà, je crois que ce qui m'a attiré, c'est le côté facile d'accès. Pas besoin d'être musicien. Il faut avoir un feeling, hein. C'est comme pour tout, je pense qu'on est plus ou moins, on a plus ou moins d'atomes crochus, de talent pour ça. C'est battre la mesure, c'est de chercher... Mais c'est ça en fait, on le sent ou on le sent pas, ça on voit bien. Hein. C'est, voilà. Donc ça, je pense que j'avais ça qui était facile, qui était fluide. Et puis, puis après, je pense que je suis attirée par toutes les musiques qu'on joue. oui, c'est moi. Toutes les musiques... qui utilisent les percussions, ouais, les musiques africaines, latino-américaines, enfin c'est vraiment ma culture musicale là pour le coup. Mais lorsque tu étais enfant, c'est pas le genre de musique que tu écoutais? Si. Ah oui? Et oui, en fait, mes parents écoutaient ça. Pourquoi? C'était quand même assez... La musique brésilienne, parce que j'ai une tante qui est partie au Brésil quand j'étais toute petite, qui a ramené plein de disques. Donc du coup, on écoutait ça à la maison. Et après, j'ai un père mélomane qui écoutait de tout. Mais alors, de l'opéra, Klaus Nomi, Nina Hagen, Laurie Anderson, de la musique brésilienne, de la musique africaine. Il descendait de Woodstock aussi, là, les années. Puis c'est ça. C'est la période, carrément, les années 70. Donc, c'est peut-être grâce à eux si t'es rendu. Ça a ouvert en tout cas mes oreilles. Ça m'a ouvert à ça. Et suite à ça, as-tu décidé de faire des écoles ou si tu croyais que le fait d'apprendre sans vraiment s'endormir dans le côté académique Alors, les percussions, ça s'apprend, ça se transmet à l'oreille, comme ça. Hein, donc moi, j'ai appris avec des Africains, des Brésiliens, des Cubains, qui apprennent sans expliquer. Ils vont dire, voilà, c'est comme ça, tu fais, tu suis. C'est l'école de la vie qui t'a amené. Ah, voilà, tu te démerdes, tu essayes de suivre, de comprendre ce qu'il fait, tu joues avec, et puis voilà. Puis tu apprends comme ça. Et après, quand j'ai commencé, en fait, c'est dans un projet de percussion que j'ai commencé à chanter. Okay. Parce que j'étais la seule fille. Ah, je pensais que le chanteur s'était barré. Non, j'étais la seule fille et puis ils m'ont dit, ouais, vas-y, ils chante. Avoir quelque chose de... Ouais, ils voulaient une voix. Parce qu'il y avait très très peu de filles percussionnistes. Oui. À l'époque, encore plus. Oui, c'est vrai. Parce que je parle de ça il y a 20 ans. Oui. Donc c'était vraiment, il n'y en avait pas beaucoup quoi. Enfin bref, du coup on m'a dit chante, j'ai chanté. Tu chantais en français? Non, je chantais dans plein de langues. Que tu connaissais pas? Non, à l'oreille. Ok. Et puis voilà, et je suis tombée dedans comme ça. Parce que encore une fois, j'ai trouvé que c'était un moyen d'expression hyper intuitif. Voilà, comme je suis quelqu'un de d'intuitif, d'impulsif, il faut que ça... Voilà, faut que c'est ton côté hippie aussi. On s'ouvre à tout. Hippie, Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai en plus, j'étais vraiment hippie à l'époque. Oui. Je le suis plus, mais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Je sais pas, j'ai grandi. Alors, quand on grandit, on devient plus hippie. Non, je sais pas, j'ai des bêtises. Okay. Non, je sais pas. Je le suis toujours un peu au fond, mais je suis venue en ville, maintenant j'habite à Paris. Ça va pas bien avec, quoi. Mais je pense que j'ai toujours les idées qui sont toujours là. Hein. Mais je. Quand j'étais plus jeune, je partais en camion, sillonner les routes, faire la Manche, les festivals, voilà, vivre dans un tipi dans la forêt, tout ça. Je le fais plus aujourd'hui. Pourquoi? T'es trop c'est vieille, là, c'est trop c'est, vieille. C'est là, c'est dedans, mais je le vis plus. Là, c'est dans la tête et ça peut se retransmettre à travers les chansons aussi. Oui, voilà. In the Road Again. Exactement. Jack Kerouac. Exactement. Est-ce que l'époque, sans doute l'époque a changé, c'est plus ce que c'était, mais quand tu as décidé ou lorsque la percussion est venue à toi, c'est peut-être toi qui l'as choisi ou l'inverse, lorsque tu jouais, est-ce que c'était toute la frustration qui sommeillait en toi d'adolescente ou de personne qui se cherchait, qui passait à travers ce conduit-là qui est la percussion? Non, c'était du plaisir. C'était juste du plaisir. De voir tout le monde en transe. C'était juste l'éclate. Mais la transe, c'est d'abord soi. Oui. C'est d'abord très personnel, en fait, très égoïste. Hein. Oui. C'est le kiff avec l'instrument. C'est ça. Et voilà, et de la transe, c'est d'abord ça. Et après, on la transmet, et ça, c'est super. Oui. Mais il y a d'abord une rencontre avec la musique, quoi. Et c'est ça qui te plaît, c'est le fait que tu t'éveilles, que tu te reconnais plus en tant qu'être humain, mais tu fais partie d'un tout avec ton instrument. Ouais, mais je crois que c'est vraiment le propre, justement, de la transe. La transe, c'est ouais, le bon mot, parce que quand on voit les gens vraiment dans les vaudous et tout ça, quand ils sont en transe... On regarde ça de l'extérieur, on se dit... C'est des cinglés, ouais. Ouais, c'est pas possible, c'est du cinéma. Mais... Si, on passe juste dans un autre... monde. Pas un autre monde, mais un autre état d'être d'esprit, au monde, ouais, en tout cas. Ouais. C'est clair. Un autre rapport au temps, un autre rapport... C'est ce que tu recherches sur scène encore aujourd'hui, le fait de transcender et de plus te... Ouais. On peut dire ça, ouais. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de rentrer en transe? C'est une bonne question, en fait. Ouais. C'est une très bonne question, ouais. Parce que les années passant, je crois que tous les artistes, c'est la même chose. On cherche à garder la fraîcheur, à garder le désir. Et le désir. Les racines aussi. Ouais, et ça s'émousse parfois, parce que c'est pas forcément facile tous les jours. et puis avec le temps, voilà, il y a plein de choses qu'on a déjà fait, qu'on a déjà vécu. Faut se renouveler sans arrêt, faut se réinventer, faut monter des nouveaux projets pour que ça soit toujours vivant, quoi. Est-ce que c'est ton véritable nom et prénom, si c'est un nom d'artiste? C'est mon nom. Ok. Ouais. T'as pas voulu faire comme certains, trouver un nom? Si, alors si, mon premier album, je l'ai sorti sous un petit nom. Un pseudo? Ouais, je l'ai sorti sous le nom de Milou, parce que je m'appelle Émilie et que c'est mon petit nom. Il y a beaucoup de filles à ton époque, je sais pas si c'est Émilie Jolie qui... Ouais, c'est l'époque. C'est ça, hein? Ouais. Eh ben, il y a beaucoup de filles, quoi, qui s'appellent Émilie? Oui. Oui, mais de ta génération, il y a encore une période. Mais ça revient, hein? Ça revient? Oui, c'est les noms les plus populaires en 2016, entre autres. Ah ça bon? Va dans les 10 premiers, oui. Alors, on va avoir une rafale d'Émilie, là. Soyons prêts à... 40 ans plus tard. Non, mais soyons prêts à accueillir quelques-unes. mais à travers ce que tu composes, parce que tu es aussi compositrice. Oui. Essaies-tu de trouver ton propre son, ou si tu veux plutôt... te racoler à certains styles et musiciens que tu adores? Alors moi, je suis vraiment dans une quête de chercher quelque chose de personnel, bien sûr. Ici, I soon come back to Santiago. Avec des notes, avec des mots. C'était pas de gomme, comme dans mon cœur de femme enfant. Il tombe des bouts de ciel tout blanc, et je m'accroche à toi, mon homme. Ta voix dans ma tête résonne, tu quittes ma vie à contre-temps. Va dans le vent, mon bel amant, va de l'avant, mon prince charmant, déploie tes ailes. Fais-toi la belle, mais prends ton temps. Va dans le vent, mon bel amant. Va de l'avant, mon prince charmant. Les gazouillis ont foutu le camp. Tombe la pluie sur mon printemps. Il tombe des bouts de ciel mouillés, et dans les larmes qui cabriolent, de mes yeux verts dans tes paroles, coule mon espoir désabusé. Il tombe des bouts de ciel mouillés, les tourments qui me déboussolent, noient notre histoire dans la colle, laissant là notre amour trempé. Va dans le vent, mon bel amant, va de l'avant, mon prince charmant. fais-toi la belle, mais prends ton temps. Va dans le vent, mon bel amant, va de l'avant, mon prince charmant. Les gazouillis ont foutu le camp. Tombe la pluie sur mon printemps. Sous la pluie qui dégringole, ma vie se transforme en rigole et je ne suis pas à l'abri. Il tombe des bouts de ciel tout gris pour une dernière farandole. Nos mains se frôlent et puis s'envolent et bientôt tu seras parti. Va dans le vent, mon bel amant, va de l'avant. Prince charmant, déploie tes ailes tout doucement. Fais-toi la belle, mais prends ton temps. Va dans le vent, mon bel amant, va de l'avant. Mon prince charmant, les gazouillis ont foutu le camp. Tombe la pluie sur mon printemps. En fait, je me laisse faire. Je me laisse. Ouais. Laisse venir comme ça va changer. Ouais. Et du coup, le premier album, il est. Justement, en fait, c'est beaucoup de musique brésilienne, beaucoup de musique cubaine, africaine, reggae. Enfin, c'est toutes les influences un peu en vrac qui me sont tombées comme ça. Le premier album, c'est tout le temps ça. Hein. C'est un peu ça. Et là, je suis dans un processus un peu plus de l'intérieur. Je suis plus dans une recherche. Là, je fais des pianos-voix hyper sobres. Je travaille toute seule pour l'instant, vraiment repartir de la mélodie, de l'harmonie et du texte. Basta. Parce qu'avant, en fait, le premier album, je l'ai composé vraiment intégralement sur ordinateur. Et donc, il y avait déjà les percus, il y avait déjà les arrangements, il y avait déjà tout dans ma tête, quoi. Justement, par les influences de percussionnistes que j'ai eues, en fait, il y avait tout ça, quoi. Mais ce qui est là, puis ce qui est dans la machine, est-ce que ça se ressemble? Ou si ça peut être autant surprenant que décevant? Ce qui est dans la tête. C'est pas ça, c'est que ça se ressemble profondément, mais quelquefois on n'est pas conscient de ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, ok, la musique est pas... Donc on découvre soi-même ce qui sort. On fait « Oh !» Moi c'est ça que je ressens. Parce que je calcule pas, après je trierai. Après quand je serai dans la phase, je veux faire un disque. Ah là, t'es pas dans cette phase-là. Non, là je produis, j'écris, je compose, je suis dans un truc, je suis dans un moment un peu plus free. Je me mets pas d'objectif, voilà, j'écris, je compose, et puis quand j'aurai... assez de chansons, donc je suis vraiment contente. Je penserais peut-être à faire un disque, mais... C'est difficile. Difficile? Oui, c'est difficile dans tes choix. Est-ce que tu t'autocritiques? Es-tu dur vis-à-vis de toi? Ou, ça, tu dis, écoute, c'est juste une chanson, hein, c'est 3 minutes, oui. Si on peut divertir quelqu'un. En fait, c'est moi, pas quand même un travail d'essai. Ce qui est important, moi, je trouve, c'est de sentir que je suis juste par rapport à ce que je voulais transmettre. OK. Si ça, c'est bon... Après, bon, voilà. Après, les choix d'arrangement, il y en a plein, des choix, il y en a plein. Mais trouver le mot juste, trouver l'émotion juste. The feeling. Ouais, être la plus sincère, la plus proche de ce que je veux dire vraiment. C'est ça qui dure. Lorsque tu écris, est-ce que c'est la langue qui vient vers toi ou c'est toi qui vas vers la langue? Oh, elle en perd sa cuillère. Oui, j'en perds ma cuillère. Mais c'est drôle de dire ça comme ça. Ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours, ça tombe comme ça, pouf. Alors, il n'y a plus qu'à écrire, voilà. Dans la langue qui t'arrive. Il y a des trucs qui tombent, ouais. Bah, parce qu'après, c'est un peu comme tout, hein. Aussi, c'est un entraînement. Hein. Quand on écrit souvent, ça tombe plus facilement. Hein. Oui, mais la langue, elle tombe pas aussi facilement. Mais après, c'est du travail. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tu décides d'écrire, la langue est... Est-elle disposée à te recevoir? Est-ce que tu sais déjà dans quelle langue que tu vas écrire? Parce que tu me dis je peux écrire en français, non. En anglais. Hein? Je n'écris que en français. Okay. Je chante dans plein de langues, okay. Mais si moi j'écris, okay. C'est obligatoirement en français. Est-ce que ça a un rapport, lorsque tu étais enfant, écrivais-tu un journal de bord et, ou un journal intime? Et aujourd'hui, tu veux peut-être encore décrire la réalité dans laquelle tu te trouves, les problèmes que tu peux vivre, toi, à travers On parle toujours de... Ouais, des, la condition de la femme. Des choses... De ta condition à toi. Oui, ou des choses... Mais je pense que... Enfin voilà, tout le monde parle un peu, enfin beaucoup de soi dans ses chansons. On parle de ce qu'on a vécu, on parle d'amour, on parle de déception d'amour, on parle de... Enfin voilà, on parle de... Écris-tu mieux dans la souffrance ou dans le bonheur? Ah non, ah, moi je... Moi dans la souffrance, je souffre. Tu pleures? Je suis pas créative. Es-tu le genre de personne à alimenter ta souffrance en écoutant la musique appropriée pour t'arracher le cœur? Ah non, non, non, non. Ou t'essayes d'oublier, non, t'essayes moi, de... Je... Ou de digérer surtout. Ouais, voilà. Continuer la vie et s'enrichir des expériences, même les plus difficiles. Et puis oui, non, mais je crois que ouais, quand ça va pas, on... Est-ce que tes parents voyaient en toi la musicienne, la vagabonde, l'itinérante musicale que tu allais devenir? Non. Non? Je pense pas. Ils s'attendaient à quoi? Je sais pas. À rien? Je saurais leur demander. Oui, mais est-ce qu'ils voulaient que tu passes ton bac avant? Ah oui, oui, j'ai même passé un DUT de physique. Oh. Oui, monsieur. Très, très intéressant et surtout très, très utile. Oui, oui. C'est ça. Oui. Non, c'est une culture générale qui est quand même intéressante, on va oui. dire. Oui, la culture, ça donne des ailes. Hein? Oui. C'est pour ça c'est que un... trois quarts des gens rentrent. Pardon? C'est pour ça que le trois quarts des gens rentrent. Oui. Non, voilà, après, effectivement, ça ne m'a pas vraiment servi concrètement, on ne peut pas dire ça. Mais à quel moment tu as décidé d'abandonner la vie que la majorité des gens... Ben, le jour où, justement, j'étais en plein DUT, j'étais vraiment, vraiment pas bien dans ma peau, quoi. T'étais adolescent. J'avais 18 ans, 19 ans. Fin d'adolescence. 19, bah, juste après le bac, quoi. Okay. Et bah oui, à un moment, c'est une évidence en fait qu'on n'est pas à sa place. Uh-huh. Voilà. Et là, c'est le déchirement. Est-ce que je dois suivre le. Ah non, non, mais moi, alors ah, non, moi, non, ça non, m'a. Non. Ah, mais moi, c'était. Mais c'est mais juste... en connaissant tous les problèmes associés à ça. Ah non, non, moi, non, non. Aucune question à ce niveau-là. C'est le côté. C'était. Bambi, on y va. Oui, peut-être. Oui. On va se casser les dents si on a à se casser les non, dents. Non, puis c'est le côté, je crois, impulsif. Enfin, et intuitif aussi, du truc ouais. que, bon, on y va, quoi, on y va, mais, surtout à 20 ans, quoi. Oui, mais avais-tu des amis, avais-tu une prédisposition à la... Alors, oui, je suis quand même d'une famille d'artistes, ben, voilà. J'ai quand même un petit terrain, okay. J'ai quand même un peu grandi au théâtre, okay. J'ai une grand-mère mettant en scène, une tante qui est musicienne, qui travaille pour le théâtre, mon grand-père était chanteur... Lyrique? Non. Chanteur. Musique de variété? Oui, chanter des vieilles chansons. Bayard? Non, je crois pas. Il chantait des chansons de la commune, il chantait okay, des. Okay. Il chantait des. Ouais, oui, alors oui. Ah, c'est bien. Théâtre anarchiste aussi. Ça, du côté de ma grand-mère, c'est théâtre anarchiste ah, aussi. Ah, c'est bien. Ah, j'adore. C'est. Mais tu en es aussi un peu les fragments. Oui. Oui, oui. Bah oui, on hérite toujours un peu de quelque chose. Est-ce qu'il chantait du Gaston Couté, tout ça, ce genre de... Mais alors, en fait, le truc, c'est que je connais pas okay, bien son répertoire, ah, parce que... Okay. Bah, parce qu'en fait, moi, j'étais... Toute petite voire même pas là. Inexistante. Donc du coup, c'est vrai que malheureusement, je... Mais est-ce qu'il y a un intérêt à savoir ce que les gens qui ont fait tes racines... Ah ouais. Ah ouais, moi je pense que c'est essentiel. Mon premier album, il parle de ça aussi, beaucoup. Je pense qu'on est beaucoup ses racines. On vient quand même de quelque part. Qu'on le veuille ou non. Avec les années, essaies-tu de te déraciner, de désapprendre ton enfance, comme disait Jean-Claude? Ah bah oui, on apprend à devenir soi-même, vraiment. Mais on lâche jamais d'où on vient. On a juste plus de recul, je pense. On a juste plus conscience de d'où on vient, donc plus de recul. On n'est pas ça. Et tes parents, voyant que tu allais devenir artiste avec toute le côté déséquilibré de l'artiste au niveau à tous les points de vue, est-ce qu'ils t'ont protégé? Est-ce qu'ils t'ont dit attention ma petite? Bah, c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait déjà ouais, des artistes. Donc, des artistes, voilà. Donc c'était. On savait que c'était pas un chemin facile, mais on savait aussi que c'était possible. C'était pas une vie. Ils pouvaient pas dire non, puisqu'ils savaient. Mais ils pouvaient pas. Mais de toute façon, moi, je. Tu t'en foutais, là. Ouais, moi, j'étais à un point où, de toute façon, ils pouvaient pas dire non. C'est ça. Ils ont essayé avec le DUT de physique. Oui. Le DUT de physique, c'est quand ils ont dit non. Ok. Et le voyait. Des fois, je voyais aussi ce que tu allais devenir. Donc, ils essayaient juste peut-être de freiner l'envie. Oui, ou peut-être c'est juste des inquiétudes de parents qui sont légitimes. Ah, c'est peut-être juste ça. Pas... Mais après, lorsque tu t'es joint à des groupes, à des mouvements, surtout aussi, à des mouvements musicaux, est-ce que ces musiciens-là qui t'ont formé, au même titre que toi aussi, tu les formais sans le savoir, est-ce que ces gens-là, tu les suis encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore près de toi? Est-ce que tu peux les appeler pour dire, je peux faire un album, j'aimerais que tu me... Alors, pas trop, en fait, parce que j'ai changé de vie. OK. J'ai un peu changé de vie, parce que j'étais à Bordeaux. Ouais. Et je suis venue à Paris ça va faire 10 ans là. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas gardé contact avec. Enfin, j'ai gardé contact avec les amis, mais après, pas forcément avec tout un réseau. Bordelais. Ouais, mais c'était aussi un désir. J'avais aussi envie de passer à autre chose. Ouais. Si tu quittes, tu veux faire autre chose. Ouais. Tu veux pas... Pour avancer, pour aller ailleurs. Ah ouais. Si c'est pour repartir dans les mêmes projets, dans les mêmes choses, autant rester. Il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais besoin de ça. Et les albums, c'est vraiment pas des albums d'urgence, c'est des albums qui vont se faire s'ils doivent se faire. T'es pas. Ben, le premier était plus une urgence et le deuxième, il va se faire quand il va se faire. Parce que là, ça fait quand même longtemps entre celui qui a été fait jusqu'à maintenant. Ouais, ça fait 3 ans qu'il est sorti. East Village, il vivait là, avenue B et dans un entresol. Il faisait la course des rats avec une fille qui avait des heures de vol. La peste verte, on connaît ça, avec un S barré sur les bémols. Dans l'île verte, y'a la salsa. Avenue B, on braque en espagnol. New York City, c'est très moral. Pour s'élever, il faut payer la taxe. Tacter demain pour capital. Et une couleur qui est pas vraiment relaxe. Y'a pas d'amis, y'a pas de loi. Et faut surtout ne jamais croire personne. C'est toujours l'autre ou bien c'est toi. Faut aller vite ou sinon tout déconne. Je cherche mon soleil sous tes arcs électriques. Et si je n'ai plus rien, il reste la musique. Mur graffiti, ciel minéral. Un incendie violent, rouge et sombre. Junkie cassé, son tropical. C'est Big City et c'est la loi des nombres. La série B, je vivais ça. Au quotidien et dans la mise en scène. D'un fou maniaque qui fait la loi. If you wanna get high, you have to pay the price, man. Lower East Side est toujours là. Et la musique nous vient de l'entresol. Avec des muscles plein les bras. Et une rythmique qui vibre et qui décolle. New York cafard, t'as le moral. Il faut puncher pour payer ton envol. T'as tes 2 points pour capital. Mais à New York on parle en espagnol. Broadway, Broadway, Broadway, Broadway. Je cherche mon soleil sous tes arcs électriques. Broadway, Broadway, Broadway, Broadway. Et si je n'ai plus rien, il reste la musique. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Si tu rêves de tropique, c'est vraiment tropical. Le reggae dans la rue, calypso dans la salle. Si tu veux tout de suite qu'on réponde aux questions, remonte dans ton jet et retourne en nation. Tu trouveras ici non pas ce que tu penses, non pas ce que tu cherches, ça n'a pas d'importance. La beauté, la violence, posée sur la balance. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. J'écoute à la radio une chanson d'amour qui dit qu'il n'y a qu'un dieu, un pays, trois couleurs. 12 tribus dans la Bible, des coups de flingue dans la cible. Des blancs pour le gâteau, 500 000 au ghetto. 1 million dans la ville qui brûle en plein soleil. 2 millions dans une île juste en dessous du ciel. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Kingston, qui nous sommes quand le soleil descend. Juste entre les oreilles, c'est fini pour la fête, fini pour le soleil. Plus j'ai faim, plus je fume, plus je fume, plus je crois. Le dieu qui m'a bâti doit fumer comme moi. Je suis beau comme lui, je danse comme un fou. Le lion des Rasta, au-dedans les villas. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Au-dessus du ghetto, à Trench Town ça bouge, t'arrêtes pas au feu rouge, à Tivoli Garden, no good man. La lumière qui saute, Kingston est dans le noir. Les gunmen qui rôdent, transformés en passoire. Et la mort qui s'en va, affamé comme moi, affamé comme moi, hey! Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi. Des années d'errance et de silence embarrassé, Les hommes n'ont toujours pas de nationalité. Comment parler de non-violence à un amour qu'on a violé? La dignité n'est pas votre spécialité. Comme elle va, et les planétaires on se reverra. Comment va la banque surnage? Pour les grands requins y a pas de naufrage. Comment va la mort, record absolu? Toujours très discrète, je n'en sais pas plus. Comment va la guerre? Elle va comme elle va, et les planétaires on se reverra. Planétaire, on se reverra. Après bien des années d'errance et de silence embarrassé, les hommes n'ont toujours pas de nationalité. Comment parler de non-violence à un amour qu'on a violé? La dignité n'est pas spécialité. Je ne veux plus gueuler comment va le monde et qu'on me réponde il va comme il va. Comment va la vie, elle n'est pas très fière sur ces cinq colonnes dans les faits divers. Comment va l'amour quand il vous a vu? A fait demi-tour, on n'en parle plus. Je ne veux plus gueuler comment va le monde et qu'on me réponde il va comme il va. Après bien des années d'errance, de population déplacée, la solitude n'a pas de nationalité. Il faudrait casser ce silence, vous l'avez mal interprété. La dignité n'est pas votre spécialité. Comment va le monde, il est rouge sang, et à mon avis il est pour longtemps. Comment va l'amour, il joue les absents, demande au vautour de gagner du temps. Comment va la vie, elle n'est pas très fière sur ses cinq colonnes dans les faits divers. Donc tous les styles sont encore permis. Et est-ce que tu veux faire une continuité ou tu veux amener un autre son ou une autre structure ou parce que l'écriture n'est plus la même, la musique, t'écoutes peut-être la même chose, mais avec d'autres influences. La musique est très changeante. Ouais, si ouais. J'ai envie de choses plus intimes. J'ai envie de choses plus acoustiques, plus resserrées, plus juste, voilà. Après, je ne me fais pas d'idées préconçues. Je sais pas encore. Alors, lorsque tu dis intimité, tu dis acoustique, tu dis un peu enlever les percus. Mais il y en aura peut-être quand même. Mais en tout cas, dans la composition, je repars vraiment du piano-voix. Ce que j'avais pas du tout fait dans le premier. Et je pour vraiment repartir de la mélodie, du texte, vraiment repartir de l'essence de la chanson. Écriture est narrative ou poétique, ou les deux à la fois? C'est assez poétique, je crois, mais après, je suis pas la bonne personne pour juger. Lorsque tu écris, est-ce que tu sais que ça va se terminer en chanson ou tu écris uniquement pour amener un ressenti? Puis ça, J'écris des petites bribes, ouais. Quand ça me vient, quand ça tombe comme ça. Ouais. C'est comme les Indiens, les musiciens indiens, ils disent, on a une antenne, un musicien a une antenne, il est juste un récepteur de ce qu'il y a dans l'air. Puis il faut être prêt. C'est ça, ça tombe dessus. Alors quand ça tombe dessus, Je note. C'est comme les capteurs de rêve. Ouais, exactement. Le petit filet pour capter. Exactement. Donc quand ça tombe, je note. Ça peut être des mélodies que j'enregistre dans mon téléphone. Ah, le téléphone, j'allais dire un magnéto, je suis quand même ancien. Ben oui, mais maintenant, on a des super téléphones qui font tout. Je suis un vieux de 1967. Donc j'enregistre dans le téléphone, j'écris dans le téléphone, dans un autre endroit du téléphone. Okay. J'ai encore des petits carnets quand même. Ben oui, Parce que quand ça hurle... Et puis quand il y a quelque chose qui se développe et qui je sens que ça peut devenir une chanson, là, j'y vais, quoi. Moi, tu as un studio maison. Pardon? Tu as un studio maison. Oui. Et ça aide beaucoup. Oui. Parce que tu veux rapidement avoir une idée. Surtout que je ne suis pas instrumentiste. Ok. Surtout que je ne m'accompagne pas. Donc du coup, c'est mon bloc-tot, mon studio. C'est là que je mets toutes mes idées. Et tu fais entendre à des musiciens. Et après, quand je suis contente quand ce que j'entends dans l'ordinateur ressemble à ce que j'entends dans ma tête, là, je fais écouter aux musiciens. Mais avant, non. Les musiciens, c'est des amis de longue date. C'est des gens qui... Non? Non, pas forcément. C'est pas une troupe? Non. T'es plus dans la mouvance de la troupe, comme à une certaine époque. Mais en fait, chaque projet a sa troupe. Chaque projet a... Quand le projet se termine, la troupe se dissocie. Et tu reprends pas des musiciens ou des gens... En tout cas, ça s'est passé comme ça les dernières fois, oui. Et tu te sens à l'aise avec ça de créer une aventure, une histoire avec des gens qui te connaissaient. Ça se fait un peu tout seul. Hein. Ouais. Moi, je le sens, c'est comme une histoire d'amour. À un moment, on arrive à la fin. Il faut savoir se quitter. Tu peux pas vivre à long terme en amour. C'est vrai. Tu t'attendais à ça? Je sais pas, t'es pas obligé. C'est pas un film? Non, mais y a un moment, moi, j'ai le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose. En amour? Dans des projets. Ok. et c'est pour ça que je dis c'est un peu comme une histoire d'amour qui se finit parce que on est arrivé au bout de quelque chose et pour aller plus loin, peut-être que moi j'ai besoin de revenir sur moi, de retravailler, enfin c'est vraiment le processus qui s'est passé et c'est comme ça que je le vis quoi. Et comment tu te sens avec la création? Est-ce que c'est des choses pénibles ou... C'est libérateur, c'est un peu comme une femme enceinte qui va accoucher, ça fait du bien. C'est jouissif. Okay. C'est jubilatoire. Okay. C'est là où tu tripes. C'est du plaisir. Et c'est plus quand les périodes où je peux pas, où j'ai pas le temps, ou tout ça, où là il y a de la frustration, où là il y a quelque chose. Ça bloque. Ça ronge, ça. Ah ouais. On est je sais pas, contrarié, tout comme. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Bah, souvent, c'est pas que pourquoi ça fonctionne pas, c'est aussi trouver le temps. Ouais, ouais. Mais lorsque t'es pas dans la création, lorsque t'es pas dans ton métier, qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes? Tu as un boulot alimentaire? En fait, j'enseigne aussi le chant. Oui, oui. Donc voilà, en fait, j'ai un atelier là, au bout de la rue. C'est à côté, ouais. Ouais. Et donc je fais des ateliers, je fais des cours, du coaching. Des enfants, des jeunes? Non, des adultes. Qui veulent faire le métier ou qui font déjà le métier? Soit des amateurs. Okay. Des amateurs qui... Qui veulent se révéler, qui veulent s'amuser. Qui, voilà, soit des gens qui veulent progresser dans leur voix. Ça peut être aussi du coaching vocal pour des gens qui sont en condition de travail pour la voix parlée. Enfin, okay. Voilà. Voilà. Et en parallèle de ça, je... C'est quand même un lien avec ce que tu fais. Ah bah oui, complètement. C'est bien. Et je travaille aussi, enfin j'ai aussi un répertoire de bossa nova, oui. Musique brésilienne, chanson brésilienne, et voilà. Et donc c'est avec ça que je joue un peu en ce moment, et voilà, et puis on travaille aussi un peu dans les hôtels, les casinos, les endroits où il y a de l'argent, quoi. Bah oui, il faut bien gagner sa vie. Oui, également peut-être dans des soirées d'entreprise, c'est ça, on t'appelle puis ça peut, ouais. Tu vas les divertir. Ça peut. Ouais. Ouais. Les trucs un peu. La bossa nova, souvent, c'est dans des endroits un peu chic. C'est okay. Un peu. Oui. Chic, c'est le côté chic mais festif. Parce que le côté Brésil, c'est plus festif. Donc, voilà. Êtes-vous plusieurs musiciens lorsque vous faites ce spectacle? Alors, on est en duo, piano-voix. Et selon les possibilités, on vient à 3 ou à 4. As-tu étudié la danse ou si tu bouges normalement? Je bouge naturellement, on va dire. Je n'ai pas étudié la danse. C'est le corps qui... Moi, j'en ai fait comme ça. Enfin, j'ai fait de la danse africaine, j'ai fait... Mais ton corps est disposé à la danse? Je Je sais pas si on peut dire ça. Mais il y a des gens qui ne pourront jamais danser, qui sont raides comme des cierges de porc. Non, voilà, je suis pas raide et puis j'ai le rythme. Enfin, j'ai le. Okay, voilà. C'est ça. Je suis pas danseuse du tout, quoi. Non, mais tu grooves. Je groove, ouais. Un peu comme lorsque tu vas danser, tu t'amuses, tu t'éclates. Ah oui, j'adore. C'est ça, t'es pas sclérosé, t'es pas. Ah non, j'adore. Ok, c'est ça. J'adore. Alors, tu te sens à l'aise avec l'expression musicale que fait transcender. En fait, la musique arrive à ton corps et c'est là que ça bouge. Mais c'est ça, hein. Mais, pour moi, c'est ça la musique, hein. C'est pas que ça, mais. C'est ça, quoi. C'est un truc qui nous dépasse, quoi. Qui nous submerge. Et tu te sens. C'est ça, toi, c'est le côté, comme disait un Québécois, tripatif. C'est quelque chose qui vient te. Qui te fait plaisir et en même temps qui fait plaisir au public. Tu vois qu'il y a comme une certaine interrelation. C'est le mieux, hein. Avant c'est de faire un album, est-ce que c'est joué en public? Pratiques-tu ou si tu fais le disque studio puis après tu présentes au public? Est-ce que tu veux les vérifier de quoi tout ça peut sonner sur scène? Puis peut-être en éliminer parce que ça va pas du tout. Ouais. Jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. La scène a touché la musique. Oui. Après, à l'avenir, je sais pas. Mais t'es pas. Je sais pas. Tu laisses aller. Ah, en ce moment, je laisse aller. Parce que c'est l'été. Non, parce que je pense que c'est aussi laisser aller de créer. C'est aussi laisser aller quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on doit tenir comme ça. J'y crois pas à ça. Alors, t'es pas une fille angoissée? Là, c'est non, angoissée, non. T'écoutais Baba? Je sais pas. Non, mais il y a des gens, quand ça sonne pas, quand il y a pas de contrat, quand l'album n'est pas préparé, c'est quand même... Mais après, dans le travail, je suis exigeante. Ok, ouais. Mais je pense qu'il faut laisser faire les choses et qu'il faut laisser faire le temps aussi, moi, je crois. Tu crois qu'il y a le temps pour... Enfin, et puis je dis ça aussi parce que j'ai pas un contrat qui m'oblige à... voilà, mais en même temps, t'as un boulot Oui, j'ai pas un contrat qui m'oblige à produire quelque chose le mois prochain. La maison disque n'est pas là pour te presser comme le citron. Voilà. Ouais. J'ai des questions que j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Ça peut être assez intéressant. Si tu étais un liquide. Un vin rouge? Ah oui. Ben... Lequel? Un Sancerre? Ah ben non, je suis de Bordeaux. Un haut médoc. OK. Ou un grave. OK. Aimes-tu... Pourquoi tu ris? Parce que... Aimes-tu le vin? Es-tu du genre à boire régulièrement en mangeant? Oui, j'aime bien le vin. Ouais. Ah. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais beaucoup le vin? Je connais bien le Bordeaux. Okay. Parce que voilà, dans la région de Bordeaux, il y a beaucoup de vin et c'est ma région, donc je connais. Les autres, je les ai découverts en venant à Paris, donc je connais un peu moins. Mais j'aime bien. L'arôme plus fruité, plus sec, plus charbonneux? Moi, j'aime les vins un peu corsés, un peu charnus. Ok, oui. Qui, comme un peu la cigarette, là, vient se coller à la gorge. Ouais. Mais bon, j'aime aussi des vins légers parfois, ça dépend. Mais t'es rouge, hein? T'es pas blanc. Ah ouais, je suis plutôt rouge, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Même pour moi, le vin, c'est rouge, c'est pas blanc. Ouais. Mais les filles préfèrent le blanc, normalement. Ouais, parce qu'elles aiment pas le vin. Si tu étais une ville... Une ville? Ah oh, bah, Paris. Bah oui, maintenant. Ça pourquoi y est, je suis tombée dedans. Je suis tombée amoureuse. Hein. C'était Porto Rico, c'était humide et chaud, c'était nègre et latin. On claquait nos dollars au bout d'un long comptoir dont on cherchait la fin. L'amour a des bas noirs, des hauts talons vernis et des lèvres de sang. Lorsque monte la nuit et que les blancs sont gris dans les bars de Saint-Rouen. J'avais un seul ami comptant quelques années de sommeil en retard. Le plus fort des dockers quand il était à terre en sortant du mitin. Il se foutait du fric, de la mort et des flics, tout le monde l'aimait. Quand on avait tout bu, on sortait dans la rue et la salsa disait. Pas dignement, de l'enfer nous prendra. c'était Porto Rico, où y'a que des bagous et puis des dents en or. Quand la margarita fait tourner la salsa, a réveillé les morts. Y'avait Ray Barreto, Théo Feliciano, Ismaël Miranda et Willy Rosario, cuivre, basse, piano, timbales, conga. Rouge le néon du club en reflet sur la rue. Au bar des Caraïbes, y'a plus que des pirates et quelques ingénus. Ici Porto Rico, capitale salsa, Paris, je te salue. Y'avait sûrement des plages, des cocotiers, du sable, mais je les ai pas vus. Si le diable nous reçoit pas dignement, que l'enfer nous prend dans le gouvernement. Si le diable nous reçoit pas dignement, le 20. Ah oui, oui. Ah ouais. Boulevard Mortier à côté du Père Lachaise, en ce moment. Ah non, moi je suis vers Jourdain, au-dessus de Belleville. Ah oui, ok, ah oui, oui, ok. Parc de Belleville, ah, tous oui. Ces coins-là. Okay. C'est là que j'habite, j'adore. La poésie est très. C'est très très chouette. Oui. Puis c'est un petit village, quoi. Enfin, on reste à Paris, hein, non, mais. Oui, il y a une ambiance. Ambiance de quartier. Ouais. Ouais. Si tu étais une langue. Bah le français. Ça. Et est-ce que c'est les mots qui amènent l'islam? Ça peut. C'est peut-être plus intéressant. C'est peut-être parfois même plus intéressant. Parce que tu sais pas où tu vas aller. Ouais. Et ça fait des belles surprises parfois. Ça c'est le travail d'écriture quand on utilise des jeux d'écriture un peu pour voilà pour l'écriture on dit automatique. L'écriture automatique et tout ça. Et tu ça c'est prends quelques brides. Oh c'est bien. Parce que quelquefois quand on sait ce qu'on veut dire c'est beaucoup plus difficile. Parce que tu passes à travers tellement de mots pour l'idée. Oui et puis tu t'accroches à ton histoire. C'est tu veux raconter ça et quelquefois. C'est pas beau, c'est pas poétique. Donc, tu vois, il faut lâcher prise encore. Oui, toujours le côté vaudou. Si tu étais une époque. Une époque? Oh c'est. Maintenant. Je suis pas du tout nostalgique. Tu voulais pas serrer la main de Janis ou dire à Jimmy. Non, je vis vraiment au jour le jour. Je suis pas du tout dans le passé et puis le futur, on ne sait pas. Ah. Alors, je vais te dire 2052. Si tu étais un mot. Un mot? Liberté. Ah. Si tu étais un aliment. Oh là là, c'est compliqué ça. J'aime tellement de choses. Ton côté épicurien. J'aime tellement de trucs. Qu'est-ce que je mange souvent? Je sais pas, du riz. Je mange souvent du riz. Ah c'est bon. Basmati. C'est la base de plein dans plein de pays. En plus, oui, c'est la base de l'alimentation et c'est pas mal la base de la mienne aussi. Mais quelle sorte de riz? Du riz thaï que je fais dans un rice cooker qui est bien collant là, bien. Ah oui, ah. Tu vois. Si tu étais une saison. Ah. Bah l'été. Ah ouais. Ou le printemps. Pas cette année non, mais. La Renaissance. Ouais, le printemps c'est assez fabuleux. L'hiver nous a tués. Mais bon, l'été là, voilà, un jour comme aujourd'hui, on a enfin ça l'été. Ça fait juste deux jours là. Non mais ça fait ouais. Ça fait pas longtemps. Ça fait depuis aujourd'hui non? Hier déjà. Mais la plus belle journée, c'est aujourd'hui, effectivement. Si tu étais un membre corporel. Un membre, je sais pas, une main. Une main? Ouais. Ou une bouche. pour taper. Ah, ben la bouche, oui, mais la main pour jouer d'un instrument, pour écrire. Pour... Bah ouais, on fait tellement de choses. Pour faire plein de choses. Bah c'est ça, on fait tellement tout. Si tu étais un moment de la journée. Alors je vais te dire le matin, parce que le matin est un fantasme pour moi. Ah. Parce que le matin, mais le matin, vraiment le matin, six. Quoi. 6. 8 même. Ah oh, ouais, putain, ouais. Ouais, enfin. Parce que c'est un moment que je vois rarement. Ouais, c'est ça, exactement. Et quand je le vois, oh, je trouve ça tellement fabuleux. Non, mais dans quel état tu l'es que tu vois ça, puisque t'es pas une fille du matin et ça doit être assez. Mais justement, les rares fois où je me lève tôt, je trouve ça fabuleux. Parce que je suis complètement décalée sinon. Est-ce que tu fais la gueule lorsque tu te lèves trop tôt? Es-tu de bonne humeur, toi, en te levant ou. Oh ouais. On peut te parler? Oh. Ouais. Ah oui? Ah. Si tu étais un autre individu. Je serais un chat. Un chat? Ah ouais. As-tu des chats à la maison? J'en ai pas parce que c'est trop compliqué. Ouais. Ah. Mais j'adore, je suis fascinée par les chats. Un chat de gouttière ou un chat de race? Oh, un chat, c'est une rencontre? Un chat que j'aimerais. Arrives-tu à parler aux chats? Un chat que j'aimerais, quoi. Oui. Qui me plairait, je sais pas. Lorsque tu croises des chats, est-ce que tu sens la même connivence? Je sais pas. Non, mais il y en a qui sont assez penchés. Je sais pas. Non, ah, tu sais pas. Eux autres, peut-être. Peut-être pas jusque-là. Mais... Ah, ok. Mais ouais, c'est, je sais pas, c'est une rencontre avec un animal aussi. Il y en a avec qui on s'entend et d'autres on s'entend pas. Hein. C'est le côté indépendant du chat aussi. Ouais. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ouais. Je crois que. Bah après, il y aurait peut-être des petites parallèles, quoi, hein, mais grosso modo, on serait à peu près au même point. Est-ce qu'avec les années, tu t'es assagi ou tu veux pas non plus là, tomber dans ce genre de cercle-là, en vieillissant, vraiment, il faut se conformer? Non, non, non. Tu vis autant? Oui, alors après, je pense que j'ai beaucoup évolué, on évolue quand même avec les années, on change quoi. Mais ça agit. Tu changes, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu veux plus faire, que tu faisais avant. Ouais, puis on avance, on comprend des choses, on se connaît mieux, on sait mieux ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Enfin, on a plus d'expérience quoi. Ouais. Voilà. Puis on a vécu plein de choses. Était salutaire, en fait, de toi, une fille un peu plus, entre guillemets, raisonnable ou. Non, tu vois pas ça. Plus épanoui. Ok. Plus raisonnable, je sais pas. Mais plus épanoui, ça c'est sûr. Et l'épanouissement, est-ce que ça risque de se retrouver dans cet album introspectif-là que tu prépares lentement? Je ne sais pas. Tu sais pas du tout où tu t'en vas encore. Tu n'es même pas certaine de sortir un nouvel album? Ah si. Ok. Oui, mais quand, tu sais pas, le non. Sujet... Non, parce que ça peut être vite comme, comme... L'urgence peut être là. Et pour le moment, non. C'est oui, l'été. Ça peut... Non, c'est vraiment pas une histoire d'été, vraiment. Okay. Non, au contraire, parce que je vais avoir plus de temps, là. Non, c'est que j'ai pas envie de me mettre la pression. Ah, et t'es capable? Ouais. Ah. J'ai appris ça. Ah oui, ben c'est ça. C'est... J'ai en appris ça. Quoi? Comment tu peux apprendre ça? Eh ben... En cheminant? Oui! Avec l'expérience des projets précédents. Est-ce que c'est... Parce qu'on n'est plus dans le plaisir, en fait. Ouais. Si on est trop dans chercher un résultat, ah ouais. On n'est plus dans le désir, on n'est plus dans le plaisir, et ça ne marche pas. Est-ce que c'est tes amis qui t'ont un peu amené à ce constat-là? C'est toi-même, par tes réflexions, tes lectures? Un peu de tout. Un peu de tout. Genre les rencontres, les voyages, les lectures, les réflexions... Voilà, les accidents, les baffes dans la gueule, tout ça, quoi. Le côté troubadour te va bien et tu voudrais pas changer de registre? Bah, pourquoi il y a un style particulier non. De chanson? Non, aucunement, non. Non, mais il y a des gens qui à un moment donné, tiennent à s'ancrer, tiennent à amener le côté confortable de la vie, parce que les années arrivent, donc avec peut-être plus de difficultés, on vieillit, on veut notre confort souvent, les gens sont un peu moins à risque, ne veulent plus vivre dans l'instabilité. Oui, bah après, moi, le fait justement que j'enseigne, que j'ai ouvert ce lieu, ça m'a ancré quelque part aussi. Okay, ouais. Donc dans ce sens-là, oui, c'est certain. C'est le côté rassurant, ça. Oui, et puis il y a un truc, moi, qui me plaît énormément, c'est que malgré les apparences, on est c'est quand même un métier très solitaire. On est quand même très solitaire. Et d'avoir un lieu, une asso, ça brasse des gens, ça crée des projets collectifs, ça crée... moi j'adore ça, il y a un côté social qui est vachement chouette. Social, sociable, voilà, humain. Ça c'est, pour moi c'est super, super enrichissant. Parce que je ne suis pas une solitaire. Et pourtant la création le demande, quand on écrit on a besoin d'être seul. Donc je le vis très bien aussi, mais je trouve vraiment un équilibre entre ces moments de rencontre, de partage, et puis ces moments plus d'isolement, de repli un peu plus sur soi. Est-ce que tu collabores souvent avec tes amis musiciens, sur scène ou sur disque? Est-ce qu'on te demande de faire des percussions pour des projets? Beaucoup moins maintenant. Pourquoi? Beaucoup moins maintenant. Déjà parce que les percussions, j'en joue plus, pourquoi tout simplement. Je sais pas. Parce que ça s'est fait comme ça, que j'en ressens plus ni l'envie ni le besoin. Ça coule, c'est parti un peu sur une autre, sur autre chose, et voilà, et c'est bien comme ça aussi. Et est-ce qu'on veut que, encore la collaboration, est-ce qu'elle peut venir aussi de l'écriture ou de la musique Ouais, l'écriture par contre, ouais, je collabore, on fait des rencontres d'écriture comme ça avec des artistes. Ouais. Ça c'est super. On travaille ensemble, on écrit ensemble, on se fait des retours sur notre travail, voilà. Ça c'est groupe, hyper c'est riche. Mais c'est pas un groupe, c'est un chanteur qui veut travailler avec toi. Oui, on est tous auteurs-compositeurs, on a tous nos projets, mais on travaille ensemble. Et ça c'est super. Est-ce que tu puisses là-dedans aussi pour tes créations à toi? Ah oui, bien sûr. Mais oui, parce qu'on y amène chacun de nos travaux personnels. Et surtout de votre style. Chacun est différent, donc le style... C'est ça qui est super intéressant. C'est ce qui est très enrichissant. Et la rencontre se fait régulièrement ou... On essaye. Tous les mois, tous les deux mois. Ah, c'est bien. Là, on va essayer de partir une semaine Au mois de septembre à la campagne. Là, il y a des choses qui peuvent se passer là. Ouais. En retraite, c'est beaucoup plus intéressant. Ah ouais, c'est super. Parce qu'on mange ensemble, on dort ensemble, on boit ensemble, il se passe des choses... Ouais. 24 heures sur 24, les cerveaux. Ah oui. À la fin, tu penses en vert. Ah oui. Tu... Le groupe ne forme qu'un. C'est l'osmose. Ouais. Ah, ça, c'est super, ça. Ouais. Émilie, je serais content de t'avoir rencontré ça à l'arrache. C'est comme ça que j'adore souvent faire des rencontres parce qu'il n'y a rien de prévu. Froideur tactique.